إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله أولا وآخرا ينبغي لنا نشكر الله عز وجل ونحمده بما من عليه بإحسانه وجوده بالاجتماع من جديد على ذكره وشكره وحسن عبادته بإذنه. Donc on se doit encore une fois de plus et on continue et sans cesse de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer pour ce qu'il nous a permis par sa bienfaisance et sa noblesse de pouvoir nous réunir à nouveau pour le remercier en écoutant son rappel et également à la bienséance dans l'application de l'adoration et cela par la recherche de la science. Car sans science, il n'y aura pas d'adoration accomplie en bonne et due forme, comme vous le savez. Et la chose qui a le plus de valeur en ce bas monde pour l'être humain, c'est le ilm. C'est la seule chose que Allah Azzawajal a demandé à son prophète de demander en plus. « Qul Rabbi zidni ilma » Dis au mon Seigneur, ajoute-moi du savoir. Donc, biznillah ta'ala, on va continuer nos durus, même à distance. « Lienna ma la yudraku kullu, la yudraku jullu » Ce qui n'est pas applicable dans sa totalité, n'est pas à délaisser également dans sa majorité. Ça veut dire que ce qu'on peut faire, on le fait, comme on peut. Et là, on a d'autres solutions que de faire ces durus par le net, étant donné la distance qui nous sépare, moi étant au Yémen et vous étant ailleurs dans le monde, principalement en France. Hamizakumullah jamia. Donc là, j'avais décidé, toujours dans la lignée par rapport au sujet de l'éducation, après avoir pris le kitab sur Adab al-Muslima, de rentrer dans une risala du même auteur, qui est Sheikh Abdullah al-Iriani al-Yamani, qui a pour titre les fatawa. Il a fait un jam des fatawa du grand savant sur les questions relatives autour de zina, la fornication. Ce péché immonde et hideux, tant réputé et pourtant tant répandu, je veux dire, et tant convoité par tant de gens. Et à la portée de tous, dans bien des endroits. Et principalement dans les pays de Koufre comme la France ou les pays d'Islam où le façade est montachir et le tabarruj également est montachir. A'azanallahu yakum min hadil fahisha. Donc on aimerait en parler car c'est des questions qui reviennent souvent chez des gens. On reçoit pas mal de questions par des gens qui malheureusement ont été éprouvés par la tombée dans ce genre de péché et qui demandent quelle solution s'offre à eux après avoir commis tel et tel acte dans telle et telle situation et ainsi de suite. Fakama yuqal al-wiqaya khayrun min al-ilaj. Comme on le dit, la prévention est meilleure que la guérison. Donc ce genre de durus seront là pour nous aider à nous avertir, pour faire preuve de prudence, de taqwa surtout avant cela, et pour nos précautions, pour préserver nos personnes de la tomber dans ce genre de turpitude. طيب. غير أن اليوم هذا سنخوذ فقط مقدمة في هذا الموضوع. Aujourd'hui, on va se contenter de prendre une introduction relative à ce sujet. Déjà auparavant, il y a quelques années, lors d'une daura des frères du site de Denmaj, on avait fait une daura, ce que les gens appellent séminaire, mais j'aime pas ce terme-là, parce qu'à la base, séminaire, c'est un terme qui vient des choses des gens du livre. Et en vrai, en arabe, on appelle ça daura, et daura, c'est une session, c'est un cycle, c'est ce genre de choses. Sur les grands péchés, j'avais pris pour thème, moi, justement, Azine à la fornication. Donc je remettrai la conférence, je la remettrai à jour sur la chaîne, pour ceux qui n'étaient pas encore ceux qui ne connaissaient pas encore cela, parce que c'était à date d'il y a 4 ans, je crois, à peu près. Donc, pour la réécouter, avec l'exhortation qu'il y a dedans et les avertissements que cela comprend, en guise de conseil. Donc, je vous invite à la réécouter pour ceux qui veulent. Et là, aujourd'hui, on prend une moukadima d'Ima sur certains points, ilmiya par rapport à ce péché. Awalan, ma huwa zina. C'est quoi la définition du zina shara'an dans la législation? Yuqal huwa ilaj al-hashfa min maktou'iha bi faraj muharram li'aynihi. أيذلك بخلاف المحرم لعارض كالحيد ونحوه خالدا الشبهة مشتهى. Donc on disait la définition de la fornication, je l'ai lu en arabe, et celle de Al-Minawi, il dit la fornication, c'est quoi en fait, quand le jugement s'applique, c'est le fait qu'il y ait eu une pénétration, soit du pénis entier, ne serait-ce que l'équivalent, ne serait-ce que le gland du pénis qui rentre dans le vagin de la femme. Si cela a lieu et que cela se fait dans un vagin qui est interdit en lui-même, c'est-à-dire quoi un vagin qui est interdit en lui-même? C'est-à-dire d'avoir un rapport avec une femme interdite en elle-même. Parce que des fois, tu peux avoir ta femme avec qui la relation est illicite pour une raison, comme le fait qu'elle ait ses menstrues, ses louchis ou autre. Donc là, ça rentre pas dans le zina. Là, quand on dit un vagin qui est illicite, c'est-à-dire un vagin qui est illicite en lui-même. Et cela, qu'il s'agit d'une femme qui était interdite, c'est-à-dire hors mariage, ou hors mariage shubaha, ou autre que ton esclave, ou autre que la femme esclave. Donc c'est quoi maintenant le mariage shubaha? Le mariage shubaha, le nikah shubaha, c'est des gens qui pensent être mariés, mais qui en fait ne le sont pas. Par exemple, ils ont fait un mariage, ils n'ont pas rempli toutes les conditions. Mais ils ne le savent pas, ils pensent qu'ils sont mariés. Donc eux, c'est un mariage shubaha. C'est-à-dire les relations qu'ils ont eues, elles seront considérées comme étant licites, mais ils doivent recommencer l'acte de mariage. Et si jamais ils ont un enfant qui est né de cette union, cet enfant-là sera un enfant qui sera légitime. Mais on leur dira, recommencez votre acte et recommencez tout à zéro. Fahimtoum ? Contrairement à des gens qui savent qu'ils ne sont pas mariés. Et la femme esclave, également, il est permis à l'homme d'avoir des rapports avec elle, donc ce n'est pas de la fornication. طيب, بعد هذا, ما هو حكمه? C'est quoi le jugement du zina? Et vous le savez. حكمه أنه محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع. Qu'il est illicite, interdit, et cela selon les preuves du kitab, de la sunna et du consensus des gens de science. من أدلة الكتاب, قوله تعالى, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Parmi les preuves du Coran et qui sont nombreuses, il y a et ne vous approchiez pas de la fornication, car certes c'est une turpitude et un très mauvais chemin. Donc là, regardez bien, Allah dans le Coran n'a pas dit dans cet ordre, wala taznu, ne forniquez pas. Il a dit ne vous approchiez pas, c'est-à-dire tous les moyens qui mènent à la fornication deviendront eux-mêmes interdits, comme on va le citer dans les causes qui amènent à tomber dans le zina. Donc ce n'est même pas qu'on ne doit pas forniquer, on ne doit rien commettre qui soit une chose qui mène vers cela. Et les preuves du Coran sont nombreuses. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui ne notent pas la vie que Allah a rendue interdite, si ce n'est de façon légitime, et qui ne forniquent pas, car quiconque commet cela encourt une punition. C'est-à-dire celui qui invoque autre que Allah, il aura apostasié, si jamais c'est un musulman. C'est du shirk. Celui qui tue une vie, qui ôte la vie qui était interdite, il y a le prix du sang à payer. Ou une expiation à faire. Et ceux qui forniquent également, il y a une sanction. Que l'on va citer, Inch'Allah. Et dans la sunna, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا مسكرا فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارة ومن ستر الله عليه فحسابه على الله عز وجل ومن لم يفعل من ذلك شيئا ضمنت له على الله الجنة. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم à ses compagnons de porter allégeance à ne rien associer à Allah, c'est-à-dire ni shirk akbar ni asghar, et de ne pas ôter la vie que Allah a rendue illicite, sauf si c'est de façon légitime. Et de ne pas forniquer, hada wa shahid, et de ne pas voler, et de ne pas consommer de substances enivrantes. Là, il dit de ne pas boire d'alcool, mais ça rentre dedans et également les drogues. Et celui qui commet une chose parmi les choses citées là, et qu'il aura subi la sentence, c'est-à-dire le had, alors cela sera une expiation pour lui. Par exemple, celui qui aura forniqué, il subit la sentence en ce bas monde, ça aura expié sa fornication. Celui qui aura volé, également. Celui qui aura mis de l'alcool, ou qui sera enivré, également. Sauf que le shirk, à la base, le shirk, lui, il n'y a pas d'expiation, si ce n'est que tu sors de la religion. Si ce n'est également, si tu ne fais pas tawba. Sans quoi, le gouverneur exécute l'apostat. Et c'est une exécution d'apostat. C'est pas l'expiation. C'est-à-dire, il meurt, il est kafir. Par contre, celui qui a fait du shirk akbar, qui s'est repenti, Allah Azza wa Jalla accepte le repentir de tous les péchés. Et il dit par contre, celui qui aura fait commis un de ses actes, mais que Allah Azza wa Jalla l'aura caché, c'est-à-dire que personne ne l'aura su, alors son compte, c'est Allah qui rendra des comptes auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et celui qui ne fait rien de cela, c'est-à-dire qui ne fait pas de shirk, qui ne vole pas, qui ne fornique pas, qui ne boit pas d'alcool, alors je lui garantis le Jannah. Voire même, on rajoute que celui qui ne fait pas de shirk, le Jannah lui garantit, mais il est exposé à être châtié un temps pour les fautes qu'il aura commises. Cependant, sa destination finale sera le Jannah pour celui qui sera mort sur le Tawhid. Donc ça, c'est l'un des adillahs parmi les adillahs de la Sunnah. Et l'ijma, le consensus, l'unanimité, a été cité par l'imam Ibn Hajar. Qal, Udda al-zina min al-kaba'ir, wa huma ajma'u alayhi. Donc il a dit que la fornication est comptée comme étant parmi les grands péchés. Et c'est une chose sur laquelle il y a unanimité. وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّهِمَا أَشْنَعْ وَأَقْبَحْ هَلْ الْقَتْلِ أَوْ الزِّنَا وَصَحِيحْ أَنَّ الَّذِي يَلِي الشِّرْكِ فِي الْكَبَائِرِ وَالْقَتْلِ أي قتل النفس التي حرم الله إلى بالحق ثم الزِّنَا. Il a dit par contre là où il y a divergence, c'est entre les savants qui disent qu'est-ce qui est pire. Est-ce que c'est le meurtre ou alors la fornication? Et le pire, en réalité, c'est le meurtre. Parmi les grands péchés, après le shirk, c'est le meurtre. Et le fait d'avoir tué une vie illégitime. Et ensuite vient la fornication. Et la fornication, elle a différents degrés, on va en reparler également. Donc, comme on l'a expliqué, « Hada zina mine kabair » c'est parmi les grands péchés. Pourquoi? Car ce péché est passible de sentence en ce bas monde et dans l'au-delà. De ce péché-là, lorsqu'il est commis, celui qui l'a commis est passible d'une sentence, un had, yuqam alil had fi hadi dunya, et il a un châtiment douloureux auquel il est exposé dans l'au-delà. Ma huwa hadha al had fi dunya. Donc maintenant, c'est quoi cette sentence en ce bas monde? Si la personne est ce qu'on appelle un bikr. Un bikr, souvent traduit comme étant vierge, et en réalité, le mot vierge ne correspond pas. Le bikr, c'est celui qui n'a jamais connu de mariage légiféré, en fait. Donc, de base, il est censé être vierge, mais vous savez que, voilà, ça peut être une chose différente. Donc, une personne qui n'a jamais été mariée, d'un mariage légiféré, on appelle ça un bikr. Ou une personne qui a été mariée, mais qui n'a pas eu le mariage qui a été consommé, on appelle ça également un bikr. Donc, le bikr, celui qui est bikr et qui fait zina, c'est-à-dire qui n'a jamais été marié, yaqullah azza wa jal, الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. Que la fornicatrice et le fornicateur flagellez-le chacun d'entre eux 100 coups de fouet. Donc là, cette sentence de flagellation, elle est pour le bikr. Tamam. ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Et que vous ne soyez point pris de pitié envers eux, et qu'un groupe, en religion, c'est-à-dire quand la sentence est appliquée, il ne faut pas dire, oh, le pauvre, le miskin, là, ada haqqullah azza wa jal. Et qu'un groupe de croyants assiste à cette sentence. Il faut qu'il y ait des témoins qui voient la chose. Que cela soit fait en public, et cela en guise de dissuasion pour les autres. Donc le bikr, sa sentence, c'est la flagellation. Et comme on l'explique dans le hadith, du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que cette flagellation, une fois qu'elle a été appliquée, cela expie la faute. Et c'est sans coup de fouet. Al-Mursan, maintenant c'est quoi le Mursan? C'est celui qui est marié ou qui a déjà connu un mariage légiféré. Et avec un dukhul, une consommation. Donc lui, c'est quoi la sentence? Lui, c'est la lapidation. والدليل من ذلك حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مثل مؤمن او مسلم الا باحدى الثلاث الزاني الثيب والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه الى دليل النبي صلى الله عليه وسلم que le sang du musulman est illicite hormis dans trois situations. En fait, elles sont plus, mais celles-ci sont les principales. Il a dit, en premier, le fornicateur morsen, c'est-à-dire celui qui est marié ou qui a connu le mariage. Maintenant, c'est quoi sa sentence? C'est la lapidation qu'Al-Nabi Sallam a déjà lapidée. Dans le Coran, il y avait un verset qui parle de lapidation, mais qui a été abrogé verbalement, mais non pas en application. C'est-à-dire, le verset n'est plus dans le Coran, on ne le récite plus. Mais l'application, le jugement reste effectif. Yusamma mansukh lafzan wala hukman. On dit comme ça. Mansour, lafzan, wala hukman. C'est-à-dire qu'on ne cite plus le verset, dans le Coran on ne le trouve plus, mais le jugement s'applique toujours. Et le Nabi Sallam a lapidé de son vivant, et les Sahaba ont lapidé de leur vivant. Donc là, on connaît cette sentence. Et dans l'au-delà, on a des hadiths qui montrent que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il est monté lors de Al-Mi'raj, l'ascension, il a vu les gens de l'enfer. Il a vu les châtiments des gens de l'enfer pour des péchés en particulier. Et parmi eux, il a vu des gens nus dans un four en forme triangulaire. Ça veut dire la base du four, elle est large et le haut est étroit. Le haut est étroit. Et ce four est lui-même alimenté par des flammes par en dessous. Et dans ce four, il y a des gens nus. Et qu'ils sont comme en train de cuire à l'intérieur de ce four. Et dès que les flammes montent, les gens également, leur corps monte vers la partie étroite de ce triangle, en hurlant. Et dès que les flammes s'atténuent, ou plutôt se diminuent, ils redescendent. Et les flammes remontent, et les corps remontent, et eux-mêmes, ils hurlent à nouveau. Donc en fait, ils sont en train de se faire brûler dans un four. Et les ulama, ils expliquent pourquoi ça reprend et ça s'arrête, parce qu'ils disent que le fornicateur, souvent, il veut arrêter, mais il recommence. Il veut arrêter, et il recommence. Et pourquoi également le châtiment de la lapidation? Parce qu'ils disent que tout comme il a connu du plaisir dans tout son corps avec ce péché, il doit connaître une douleur dans tout son corps comme sentence pour expier ce péché. On n'a pas à dire que c'est cruel, c'est barbare ou c'est sauvage. Non, celui qui dit cela, il aura critiqué le jugement d'Allah Azawajel. Et il aura remis en question le jugement d'Allah Azawajel, il aura critiqué et cela de la mécréance. Critiquer un jugement de l'islam et le détester ou s'en railler, cela amène à apostasie directement. Donc on accepte, et c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant on dit, maratib al-kubh fi zina. Donc maintenant le zina est de différents degrés. Les fornicateurs ne sont pas au même niveau. Bien que le zina reste en lui-même, parmi les pires des péchés, si ce n'est le pire après le meurtre. Mais dans ce zina en lui-même, il y a des échelons. Yaqul ibn Hajar, al-zina lahu maratib. Le zina, il a des échelons. Mutafwa awita, qui varie. Mathalen, fawa bi ajnabiya, la zaujalaha, azim. Première étape, c'est celui qui a un rapport avec une femme célibataire. Ça, c'est le niveau le plus bas, il est déjà très grave, il est gravissime. Une fornication avec une femme célibataire. Yakul wa arvam minhu bi ajnabiya, la zauj. Maintenant, pire encore, c'est de forniquer avec une femme mariée. Et ça, on appelle ça comment? Adultère. C'est une différence que souvent les gens traduisent zina par adultère. Non, l'adultère et la fornication, il y a une différence. Fornication, c'est l'acte. C'est-à-dire, fornication, c'est plus général. L'adultère rend dans la fornication, mais la fornication n'est pas forcément de l'adultère. Je m'explique. Fornication, qu'on expliquait, c'est avoir un rapport sexuel hors mariage, d'accord? Hors mariage avec une femme qui nous est interdite. Quand je dis interdite, c'est-à-dire autre que l'esclave. Donc cela peut avoir lieu avec une femme célibataire. Mais quand tu as un rapport en étant marié, là on appelle ça adultère. C'est-à-dire il y a une forme de trahison qui s'est faite. Comprenez bien, donc l'adultère c'est pour les mariés. Mais c'est une fornication également. Mais plus précise. Donc pire que forniquer avec une femme célibataire, le fait de forniquer avec une femme mariée. Et c'est pareil pour la femme célibataire avec un homme marié. C'est pareil. Ou deux personnes mariées ou deux personnes célibataires. Yakul wa arvam minuhu bi mahram. Pire encore que cela, c'est de forniquer avec une femme qui a un mahram. D'accord? C'est-à-dire une proche avec qui le mariage interdit. Ta mère, ta sœur, ta fille, ta tante paternelle ou maternelle, la grand-mère, les petites filles, toutes les proches qui avec qui le mariage est interdit. Ça, c'est une monstruosité également. Ça, c'est encore un autre niveau. C'est pire encore. Wedi wazina al-sayyib akbar min al-bikr. Et que la fornication du sayyib, c'est qu'il sayyib, c'est le mursan, c'est celui qui est marié ou qui a été marié, qui a connu le mariage et la consommation. Celui-ci, sa fornication est plus gravissime que celle du célibataire qui n'a pas connu de mariage, comme on l'a dit au préalable. وكذلك وزنا الشيخ الكامل عقله أكبر من زنا الشاب. Et que la fornication commise par un homme âgé qui a toute sa tête, parce que des fois on peut être sénile et avoir perdu la raison, donc un homme âgé qui a toute sa tête, quand il fornique, il est pire qu'un jeune, car à la base celui qui est vieux, il a moins de shahawat, il a moins de plaisir, il a moins d'envie que le jeune qui lui, il a, comme on sait, les pulsions sont fortes. Donc quand c'est un vieux, c'est pire encore. Tout comme il dit وزنا الحر والعالم لكمالهما أكبر من زنا العبد والجاهل. Et que il a dit la fornication commise par une personne qui est libre est pire que celle qui est commise par l'esclave, et la fornication commise par le savant est pire que celle commise par l'ignorant. À la base, toute chose qu'un savant commet reste pire à son égard, car lui, à la base, il a le ilm. Donc il est censé avoir les éléments pour s'éloigner encore plus de la chose. Lorsqu'il le commet, c'est d'autant plus grave. À tel point que il a bien dit Yusuf alayhi salam wa sijmu wa sijnu ahabbu ilayya mimma yadunani ilayhi. Il a dit la prison m'est préférable que de répondre favorablement à ce quoi elle m'appelle. Pour vous dire que tellement la fornication, c'est une chose qui est incroyable et qui est une grande tentation, que Yusuf alayhi salam a préféré aller en prison que tomber dans la fornication. Et d'ailleurs, vous savez que parmi les 7 personnes qui sont sur l'ombre d'Allah Azzawajal, le jour où il y a d'autres ombres que la sienne, et là c'est un nombre qui est créé, non pas un attribut d'Allah Azzawajal, c'est un nombre qui est créé, il y a parmi eux, ces 7 catégories de personnes, un homme qui aurait été tenté par une femme belle et de haut rang, et qui lui aura dit, je crains Allah Azzawajal. Il lui aura dit, je crains tellement cette fitna, elle est dure. Il y a dans Allah Azzawajal, il y a qu'il y a qu'il que l'homme a été créé très faible face à la femme. Très très faible. Donc de là, comme on va le citer par la suite, pour éviter de se retrouver en situation de, comme on dit, coincé dans l'impasse, alors il y a des causes. Bismillah ta'ala, on va le citer par la suite. Donc regardez bien la force de celui qui arrive à éviter cela, alors qu'il est devant, on dit, il est au pied du mur, il arrive pourtant malgré tout à refuser, à craindre Allah Azzawajal. Regardez la récompense qu'il attend, tellement c'est une chose qui est presque insurmontable pour un homme. Et donc là, Ibn Hajar, il y a une forme de zina qu'il n'a pas citée, qui est parmi les pires également, car elle est basée sur un dalil. C'est le fait que l'homme fornique avec la femme de son voisin, wa l'a'adhu billah. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Ibn Mas'ud, ya Rasulullah, ayyu al-zamb a'zam, quand le Antaj'ali lillahi niddan, wa wa khalakak, kultu thumma ayyu, quand le Antaktula waladak, khashiyata ayyadhamma ma'ak, kultu thumma ayyu, قال ان تزاني حليلة جارك. Il a dit Ibn Mas'ud, ô messager d'Allah, quel est le pire des péchés? Il a dit que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé, donc le shirk. Il a dit, et ensuite c'est quoi le pire? Il a dit que tu tues ton enfant par crainte de ne qu'il ne mange avec toi, c'est-à-dire par peur de la pauvreté. Il a dit, et ensuite quel est le pire? Il a dit que tu forniques avec la femme de ton voisin. Avec la femme de ton voisin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل روي عنه أنه قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Il a dit, ou plutôt il a été rapporté de lui qu'il a dit, parce que le hadith apparemment il y a une divergence quant à son degré d'authenticité, mais le hukm il reste affirmé par le hadith. Il a dit que l'homme fornique avec 10 femmes est moins grave pour lui que de forniquer avec la femme de son voisin. Tant le voisin, il a un droit qui est immense et qu'il est censé avoir confiance en toi, qui est censé être une protection à son absence. Et celui qui tombe dans cela est le plus grand des traîtres, qui va séduire la femme de son voisin. Ou le contraire également, la femme qui va séduire le mari de sa voisine. Wal'a'adhu billah. Donc il dit une parole d'Ibn Hajar, يقول أفحش أنواعه الزنا بحليلة الجار. Donc il a dit la plus immonde parmi les formes de fornication, c'est celle que l'on commet avec la femme de notre voisin. يقول وزنا أكبر إثما من اللوات لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم ضرر بكثرته ولما يترتب عليه من اختلاط الأنساب. Donc il dit également que la fornication est d'un plus grand péché que la sodomie homosexuelle. Pourquoi ? Car il dit que cette attirance pour le zina vient des deux genres, de l'homme comme pour la femme. Car le sodomie homosexuelle ne vient que de l'homme, du genre masculin. Là, il concerne le genre féminin et le genre masculin. Et également, car cette forme de fornication est plus nombreuse. C'est-à-dire qu'on verra plus de gens forniquer, hommes et femmes, que de trouver deux hommes en train de commettre l'acte. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais entre l'homme et la femme, cela est plus fréquent. Et également, la relation qui se déroule entre deux hommes n'apporte pas à enfanter, alors qu'un homme et une femme, ils vont enfanter, et cela va troubler la généalogie. Car, comme on va le citer dans les fatawa, inshallah, qui vont venir, il y a une divergence, mais l'enfant qui naît de la fornication n'est pas affilié au père. Ou alors cela peut amener à ce qu'un enfant soit affilié à un père qui n'est pas le sien, lors d'un acte d'adultère par exemple, et que l'époux n'est pas au courant. Mais en réalité, on va dire que l'homosexualité est un péché qui est... On va dire que la fornication est un péché qui amène à plus de mal, mais l'homosexualité est un péché qui est plus immoral. En fait, il est plus immoral, car à la base il est contre nature. Il est normal que l'homme et la femme soient attirés mutuellement l'un vers l'autre. Quant à deux hommes, c'est une chose à la base qui est impensable, et pourtant, cela s'est fait. Il était rapporté que, parmi les anciens, c'est comme on dit, si Allah n'avait pas parlé du peuple de l'autre, je n'aurais jamais cru qu'un homme puisse s'accoupler avec un homme. C'est une chose qui est contre nature. Même physiquement, on n'a aucun élément qui amène à ce que cela se produise. Donc en réalité, la sodomie homosexuelle est plus immorale, est plus immonde, mais la fornication est plus dangereuse et a plus de préjudices pour l'ensemble de la société. Et là, une parole intéressante d'Ibn Qayyim qui dit وَمَّا زُنَا فَجَاءَ وَصْفُهُمْ صَلِيحًا فَقَالَ تَعَالَى الْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتِ وَالْمَقْصُودُ لِأَنَّ بَيَانَ مَا فِي الزِّنَا وَاللَّوَطَ مِنْ نَجَاسَةٍ وَخُبْثٍ أَكْثَرُ أَغْلَطَ مِنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ مَا دُونَ الشِّرْكِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا أَوْ لِأَنَّهَا تُفْسِدُ الْقَلْبَ وَتُضْعِفُ التَّوْحِيدَ جِدًّا وَلِهَذَا كَانَ أَخْذَ النَّاسِ بِهَذِهِ النَّجَاسَةِ أكثرهم شركا فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر وكلما كان العبد أعظم إخلاصا كان منها أبعد فليس في الذنوب أفسد القلب والدين من حتين الفاحشتين سبحان الله. Donc il dit Ibn Qayyim رحمه الله تعالى que Allah dans le Coran a clairement décrit les fornicateurs comme étant Khabith, c'est une personne qui est vraiment mauvaise, infecte, pourrie, hideuse. Et que le Khabith, il sera pour la Khabithat, ou le Khabithat, elle sera pour le Khabith. C'est-à-dire, ils vont aller ensemble. Et c'est pour dire qu'en fait, que la fornication ou la sodomie homosexuelle sont une impureté, est une infection, une souillure. Et cela pire encore que le reste des péchés. En dehors du shirk. Et également du meurtre. Pourquoi ? Car il dit que ces péchés-là corrompent le cœur et affaiblissent le tawhid énormément. Ça touche jusqu'au tawhid. C'est pour cela qu'il dit qu'une personne, les gens qui commettent le plus ce genre d'actes, c'est-à-dire la fornication et la sodomie homosexuelle, ce sont les gens qui commettent le plus de shirk en général. C'est-à-dire tu vas chez les koufars, c'est encore plus répandu que chez les muslimines. Et plus leur shirk est grand, par exemple, tu verras les gens qui font du shirk, du pur polythéisme apparent, comme par exemple les hindous, seront de base peut-être pire que les gens du livre. Car à la base, le zina, c'est un péché qui est interdit à l'unanimité, même chez les gens du livre. À la base, c'est interdit chez eux. Forniquer est une chose qui, de base, est interdite chez les Nansara ou les Yahoud. Cependant, ils ont changé leur livre et sont devenus très, très négligents et très laxistes. Mais tu verras, par exemple, les hindouistes, je ne sais pas si on dit hindouistes ou hindous, comme elle, ce genre d'axe, par exemple, ils ont, chez eux, c'est connu. Ils adorent le sexe. Vous allez trouver un pénis qui se fait adorer. Ou vous allez trouver un vagin qui se fait adorer. C'est parmi leurs idoles. Voilà, azabillah. Et ils commettent cela à outrance. Donc les gens, plus ils font du shirk, plus ils seront, ils tomberont dans ce genre de, d'actes répugnants. Et plus la personne se rapproche du tawhid et de l'ikhlas, et moins elle le fera. Et moins elle le fera. Donc il dit qu'il n'y a pas de péché qui corrompe le cœur et la religion plus que ces deux péchés, qui sont la fornication ainsi que la sodomie homosexuelle. Wallahi. Donc maintenant qu'on a pris cette muqaddima, comme on a dit, al-ilaj ou al-wiqaya khayrun min al-ilaj, que la prévention est meilleure que la guérison. Donc maintenant, on doit connaître quelles sont les causes qui fassent que les gens tombent dans cette turpitude. Et qui dit cause de tomber implique leur contraire qui est cause de prévention. فَسَنَذْكُرُ مَا يَسَلَ اللَّهُ لَنَا فِي ذَلِكَ طَبْعًا بَعْدْ أَلِسْتِعَانَ بِاللَّهِ عَزَ وَجَلْ وَالتَّقْوَى وَالْمُرَاقَبَةِ Cela, après avoir recherché de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. D'avoir fait preuve de taqwa. Le taqwa, c'est le fait de mettre une protection entre nous et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. Également, al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est de sentir que Allah nous voit, nous observe. Après ces faits-là, quelles sont les causes qui permettent d'éviter zina? Et vous verrez que toutes, elles ont un jugement dans la religion. Rahmatan lana, pour nous préserver. Toutes ces choses-là, dans la religion, elles amènent à un jugement qui rend cette cause interdite. Pour nous éviter de tomber dans cette turpitude. Après, il y a des causes qui sont liées à chacun et des causes qui sont liées aux autorités. Awalan, mima yata'ayyan ala al-jami'a. En premier lieu, parmi les grandes causes qui amènent à la tombe dans le zina, ta'khir al-zawaj, le fait de retarder le mariage sans raison valable. Car le mariage est venu pour nous protéger de cela en premier lieu. Avant de penser à fonder une famille, avant de penser à fonder un foyer ou ainsi de suite, première chose, nous protéger de tomber dans cette turpitude. L'Inna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam quand elle est « Ya marshal al-shabab, man sata'a minkum al-ba'a fi yatazawwaj, fainahu ahsan lil-faraj ou aghad lil-basar, wa man lam yastati' fa'alay bis-siyam. » Il a dit « Oh vous les jeunes, ceux d'entre vous qui ont les moyens d'assumer un mariage alors qu'ils le fassent. » Il a dit pourquoi? Car cela protège plus pour la chasteté et permet de protéger le regard. Et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne. Donc c'est quoi la première cause? Pour ne pas tomber et protéger nos parties génitales de tomber dans cette turpitude. Car ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas haram. Ne pas fonder un foyer, ce n'est pas haram. Mais tomber dans le zina, ça c'est haram. Donc le mariage, sa première étape, son premier objectif, c'est nous empêcher de tomber dans le haram. Donc maintenant, c'est quoi les causes qui font que les gens aujourd'hui tardent dans le mariage? En général, c'est l'école, d'accord? Pour avoir un diplôme, les études. Non, j'attends d'avoir mon diplôme, pour avoir un travail, avoir une situation, et ainsi de suite. Je suis trop jeune. Alors qu'en réalité, en islam, à partir du moment où tu es bas à lire, tu peux te marier en tant qu'homme. Maintenant, c'est vrai que il faut également la mentalité qui va avec, c'est sûr. D'accord? On va pas marier une personne qui est encore puérile, qui est immature, c'est certain. Mais à la base, en islam, on va dire qu'un mariage si se faisait alors que tu es encore jeune, comme on dit, il serait valide. On ne dit pas les trop jeunes, il n'y a pas chez nous 18 ans, en ce 18 ans, tu ne peux pas te marier. C'est pas vrai, c'est en islam. C'est pas vrai. Tu te maries avant, ton mariage, il est valide. Tu es marié. Mais après, on prend en compte la situation de la personne, est-ce qu'elle est apte. Mais souvent, les gens le sont, mais ça vend des excuses comme le fait de « je suis à l'école, je veux mon diplôme avant de me marier ». Mais est-ce que l'école l'empêche de tomber dans le zina? Non. Est-ce que son diplôme le protège de tomber dans le zina? Non. Est-ce que le fait d'avoir une situation sociale le préserve? Non. T'en as plein, ils attendent tout cela et ils tombent dans le zina malgré tout. D'autres qui disent « j'attends d'avoir un travail pour me marier ». Ou d'autres qui ont des critères physiques excessifs. Je veux que la femme ressemble à telle et telle chose. Ou la femme a dit « non, je veux un homme qui est de telle et telle carrure ». Ou alors des demandes de moyens abusives. Ou alors un mahar. Une dot qui est trop élevée, ce qui empêche l'homme de se marier. Il veut se marier, mais la famille ou la femme réclame un dot qui est trop élevé. Il n'arrive pas. Ça, c'est beaucoup dans les pays d'islam, ça, vous allez trouver ça. Ou également, il y a l'irresponsabilité des tuteurs. Leur fille veut se marier? Non, ils disent non, t'es trop jeune. Elle veut se marier, elle a peur pour elle. Non, t'es trop jeune. Ou un homme vient se présenter. Non, il n'est pas du pays. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Et ainsi de suite. Des critères qui sont en islam, qui sont pas recevables. La fille, elle a trouvé un prétendant qui lui correspond, qui est de bonne religion. Non, le père, il vient, il fait barrière pour des choses qui ne sont pas valables. Le grand frère, le grand père, ainsi de suite. Pour eux, impose des critères qui ne sont pas nécessaires. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, une catastrophe, malheureusement. Voilà, Azubillah. Taïb. Thumma, indana, al-basar. Le regard. Adamin, arzom, man yakun. Rad al-basar. Comme a dit Ta'ala, qu'il les mu'minines, yaghuddu min absarihim, wa yahfazu furujahum. Dis aux croyants qui baissent leur regard, et c'est quoi après la suite? Et qu'ils préservent leur sexe. Regardez bien, qu'ils baissent le regard et qu'ils préservent leur sexe. Donc c'est pourquoi on baisse le regard? Parce que cela peut déclencher par la suite. Et le verset est venu également pour les femmes. Wa qul lil mu'minat yaghuddna bi absarihinna wa yahfazna furujahunna. Et dis aux croyantes qu'elles baissent leur regard également et qu'elles préservent leur partie intime. Donc le hukm, il est valable pour les deux. L'homme comme pour la femme. Et baisser le regard sous toutes ses formes, en toute situation, que ce soit dans la rue, et que ce soit également par Internet, que ce soit par la télévision. Tout ça, c'est la même chose. Regarder un sexe opposé en vrai ou derrière un écran, c'est la même chose. Ce regard n'est pas permis. Wa yaqul ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد فكرة شهوة ثم تولد شهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فتقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده الأدب ابن القيم رحمه الله تعالى que le regard, c'est la base de tous les faits par la suite qui atteignent la personne. Ça commence par le regard. Car ce regard engendre, voyez, une idée. Attends, une idée. En plus, cette idée, elle engendre une réflexion, une méditation. C'est-à-dire, tu as une idée, après tu commences à y réfléchir. Ensuite, cette réflexion, elle engendre quoi? Une envie. Puis cette envie, elle engendre quoi? Un désir. Puis ce désir s'accentue et devient une détermination. C'est-à-dire, tu dis, cette chose-là, je la veux et je fais en sorte de la voir. Et ensuite, il arrive ce qu'il arrive. Là, il parle de façon générale, hein, pas forcément que de la fornication, mais toute chose que l'homme entreprend, ça a commencé par, en général, par un regard. Et ça peut être dans le halal, comme ça peut être dans le haram. Mais là, on parle d'un côté du haram. Donc il a dit, une fois qu'il est déterminé à voir la chose, celle-ci, en général, se concrétise. Sauf si un empêchement provient. C'est pour ça qu'il dit que, en réalité, patienter sur le fait de ce que regarder, c'est une chose qui est tentant. C'est très tentant de regarder. Mais patienter sur ce regard est plus facile que de patienter sur la douleur que va engendrer le péché causé par son regard. Wallah. Vaut mieux baisser les regards, ne pas regarder ce qu'on n'a pas regardé, plutôt que subir ce qu'on va subir par la suite à cause de son regard. Même si on n'agit pas, ce que tu auras vu va t'obséder, va te perturber, va te, comme on dit, te hanter. Voilà, Azubillah. Puis, nous avons, comme parmi les pires des causes, al-ikhtilat bayna al-jinsayn, la mixité entre les deux genres. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Il a dit, prenez garde à ne rentrer auprès des femmes. La mixité que l'on trouve dans tous les domaines aujourd'hui, malheureusement. Cette mixité est parmi les pires causes qui amènent à tomber dans cette turpitude. Quand les chers Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Far-rajulu izi-ikhtalatu bin-nisa, kana bi-manzilati ikhtilat an-nar bil-hatab. Il a dit, les chers Islam, que lorsque les hommes se mélangent aux femmes, cela c'est comme mélanger les fagots de bois avec le feu. Qu'est-ce qui se passe? Les fagots de bois sont un combustible. Donc le feu va augmenter. Donc cette mixité amène à cela. C'est mettre du feu dans le bois. Peut-être même, comme on dirait aujourd'hui, mettre de l'huile sur le feu. Et fait partie de l'irtilat, ce qu'on appelle l'khalwa, ce qu'on appelle l'isolement. C'est-à-dire qu'un homme se retrouve seul avec une femme. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. Il a dit que un homme ne doit pas s'isoler avec une femme car Shaitan sera le troisième. Shaitan sera le troisième. Et cet isolement, sachez-le, qui peut être physique comme il peut être par correspondance. Physique, c'est-à-dire que tu te trouves dans un lieu seul avec une femme, l'ascenseur, la voiture, une pièce, et ainsi de suite. Mais également, vous l'avez pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, les gens qui s'envoient des messages privés, ce qu'ils appellent DM, ou les gens qui communiquent par téléphone. Une femme qui va appeler un homme par téléphone, par message, à l'abri du regard de tout le monde. Ils commencent à communiquer l'un avec l'autre. Car chez les faussaires, chez les pervers, c'est du direct. Ils vont parler ensemble normal. Mais chez les gens d'Istikama, ça va être quoi? La choubouette, ça va être par la porte du mariage. Ça veut dire, en fait, ils disent, on communique, mais pour se connaître, c'est pour le mariage, en fait. Il n'y a rien derrière. Ça, c'est une choubouette de Shaitan, en réalité. Car souvent, ça dérape. Wallahi, dans 90% des cas, ça dérape. Et en plus, cela va amener à transgresser les règles de rencontre de la khidba. Parce que cette personne-là, c'est des correspondants. Cet homme et cette femme vont correspondre ensemble. En privé, par téléphone ou autre. Donc ils vont commencer, et ce qu'on appelle le ishq qui va rentrer, c'est-à-dire la passion. Shaitan va faire croire que elle est la femme qui était promise, et ainsi de suite. Donc ce qu'il pense être de l'amour qui va naître. Il décide de se marier. Et là, malheureusement, le wali vient, il dit non, je suis pas d'accord. Peut-être pour des raisons valables. Il va dire, lui, il y a des choses en lui qui me plaisent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont déjà épris l'un pour l'autre. Ils vont faire ce qu'on appelle du hors-piste. Et là, il va passer des catastrophes. Donc, on dit aux gens de craindre Allah Azzawajal que les hommes et les femmes ne communiquent pas en privé via les messages privés. Et ni par téléphone, ce genre de choses. Car ça, c'est une porte qui va amener à des catastrophes. Après, dans des cas, il est permis qu'une femme communique avec un homme pour des choses d'ordre, masalène, professionnel ou autre, dans la limite du besoin. Ce n'est pas interdit dans l'absolu, mais tant que c'est évité, vaut mieux l'éviter. Car souvent, ça a tendance à s'élargir par la suite. Mais ce qu'il y a de pire, justement, c'est ça, là. Les WhatsApp, les Telegram, sur ce qu'ils en suivent, les messages privés sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, les Snap, les Insta, ce genre de choses. Quand l'homme se met à parler avec la femme. Ou alors, quand les hommes font des choses sur les réseaux comme, par exemple, X, dans son Twitter, une femme vient et commente. Un commentaire qui est agréable. Ça va faire quoi? Ça va tirer le regard. Et l'homme va commencer peut-être à être tenté à vouloir communiquer en privé avec la femme. Et ainsi de suite. Et t'en as souvent, ils font ça, après ils n'assument pas. Une fois qu'ils sont dévoilés, ils disent, il a voulu me séduire. Il a voulu me parler. Et ainsi de suite. Ils m'ont dit, à la base, t'as ouvert ta porte pour cela arrive. T'as ouvert ta porte à communiquer avec lui. Au début, être consentante ou être consentant. Et une fois qu'ils sont dévoilés, ça se désavoue l'un et l'autre. Wallah azbillah. Et personne ne veut reconnaître sa faute au début d'avoir ouvert la porte. Donc c'est quoi souvent l'argument? C'est apprendre à se connaître, ils disent. On veut apprendre à se connaître pour avoir une relation plus durable. On dit, wallah, vaut mieux pour toi une relation qui est courte, dans le halal, qui a commencé dans le halal, plutôt qu'une longue qui débute par le haram ou qui dure sur le haram. Sache-le. Et les gens, ils ont dit, ouais, mais j'ai peur, si je me marie, après, ça divorce. Ils disent, vaut mieux pour toi que tu divorces 1000 fois après avoir été marié dans le halal que forniquer une seule fois. Et ce moyen-là t'amènera à tomber là-dedans. Il a yincha Allah. Tu ouvres des portes. Et si le jour cela arrive, là, t'as le moana il a nafsak. Tu ne pourras te faire de reproches qu'à toi-même. D'avoir ouvert la porte à cette communication intime et privée qui a amené à des déboires par la suite. كذلك عندنا من أسباب التبرج. Le tabarruj, qui est ce qu'on appelle l'exhibition, c'est-à-dire que les femmes sortent habillées de façon non légiférée. Et à la base, quand la Ta'ala, voilà tabarrujna tabarruj, tabarruj et jahiliyatil oula. Voilà tabarrujna tabarruj et jahiliyatil oula. C'est-à-dire ne vous exhibez pas comme le faisaient les femmes dans la jahiliya, à sortir au milieu des hommes et de façon découverte, tenue non légiférée. Et cette tenue-là, ça diffère. T'as des femmes, elles ont ce qu'on appelle un voile sur la tête, mais elles sont pas mutahajjibat. Ce n'est pas un voile qui est légiféré. T'en as, elles croient qu'elles sont couvertes, elles ne sont pas couvertes. C'est le voile qui est légiféré, c'est le jilbab. Et le visage doit être couvert selon la vie authentique. Et tout cela, on en a parlé dans le Ders, qui parle des comportements de la femme muslima, pour ceux qui veulent y retourner. Également, les femmes qui sortent trop. La sortie excessive de la femme. c'est la cause des tentations pour l'homme, ce qui amène à tomber dans les tentations. Le parfum également, la femme qui sent parfumée. Donc, le Nabi sallallahu alayhi, celle qui sent parfumée, c'est une zania. Et attention, ce tabarruj, faut pas croire, on peut trouver chez les hommes également. Les hommes qui font du sport, par exemple, qui ont une carrière athlétique, qui mettent des vêtements moulants, même chez les frères. Attention, les frères. Ça, c'est une fitna pour la femme également. Ne provoquez pas les femmes. Ne provoquez pas les femmes. Souvent, on parle de la femme tabarruj. Non, mais là-bas, c'est chez la femme. Il y a des hommes également qui le font, qui provoquent les femmes en s'habillant de sorte à ce qu'elles voient également leurs atouts physiques. Volontairement. وَهَذَا كَذَلِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ عِنَنَا إِسْتِمَا إِلَى الْأَغَانِي. Écoutez de la musique. Écoutez de la musique. Vous savez que la musique, à la base, en islam, c'est interdit. وَقَالَ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضِ الْغِنَى رَقْيَةِ الزِّنَى أَيَّنَّهُ السَّبِيلُهُ وَالدَّعِي إِلَيْهِ وَالْمُرَّغَبْ فِيهِ. Il a dit, الْفُضَيْلِ, que la musique, c'est un chemin qui mène vers la fornication. Les gens qui écoutent de la musique sont parmi les plus à même de tomber dans la fornication. Il est rapporté de Yazid ibn Walid, qu'il a dit à son peuple, des Bani Umayya, « Ya Bani Umayya, iyakum wal ghina, fa innahu yanqusu al haya, wa yuzidu al shahwa, wa yahdim al muru'a, wa innahu la yanubu an al khamr, wa yafalu ma yafalu al muskir. Fa in kuntum la bud, fa'ilin, fa jannibuhu al nisa, fa inna al ghina, da'yatun li zina. » Il a dit à son peuple, au fils de Umayya, prenez garde à la musique, car cette musique réduit de la pudeur et rajoute du plaisir, enfin du désir plutôt. Ça accentue le désir et ça détruit la moralité, les valeurs humaines. Et cette musique peut enivrer comme le fait l'alcool. C'est-à-dire que celui qui écoute de la musique pourra agir comme agirait une personne qui est ivre. Il a dit, si jamais vraiment vous le faites, c'est-à-dire vous écoutez de la musique, alors éloignez-en les femmes. Parce que il a dit que la musique, c'est une chose qui appelle à la fornication. Et une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui dit, "Al-istima' ila al-aghani la shakka fi hurmatihi. Wa ma dhalika illa li'annahu yajurru ila al-ma'asi kathiratin wa ila fitan mutaaddidah. Wa yajurru ila al-'ishq wal-wuqu' fi az-zina wal-fawahish wal-lawat. Wa yajurru aydan ila ma'asi ukhra min shurb al-muskirat wa la'ib al-qimar wa khartat al-ashrar wa rubbama awqa'a fi shirk wal-kufr billah ala hasab أحوال الغناء واختلاف أنواعه. Il a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala que le fait d'écouter de la musique, il n'y a aucun doute sur le côté haram que cela comporte. Et que cela également engendre ou amène à d'autres péchés et d'autres fitanes, nombreuses fitanes. Comme par exemple le côté passionné, ce qu'on pense être de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Pour l'homme comme pour la femme. Cela éveille les sentiments et les émotions. Également, cela fait tomber, sale shahid, dans la fornication, dans les turpitudes et dans la sodomie homosexuelle. Al-lewat. Vous savez qu'il y a des musiques qui sont faites exprès pour ça et qui parlent que de ça. Dans les clips, vous voyez que ça. Et les chanteurs, les chanteuses sont habillés de sorte à provoquer cela. Vous le savez très bien. Également, cela incite à boire de l'alcool. Et vous savez également à prendre des drogues. Car aujourd'hui, les chanteurs et les chanteuses font l'apologie des substances enivrantes. Et au jeu de hasard. Et également, cela amène à se mélanger aux gens du mal. Il a dit, et probablement, cela peut faire tomber dans le shirk et dans le kufr. Non, parce qu'il y a des chanteurs et des chanteuses qui ont des paroles de kufr et de shirk, et que les gens écoutent et achètent et apprécient et aiment ou commettent des actes de shirk et de kufr à cause de cette musique qu'ils écoutent. Et cela en fonction des diverses formes de musique. Car il y a des musiques qui n'ont pas de paroles et des musiques qui ont des paroles. Parmi les causes, tark et ta'addud, le fait de délaisser la polygamie également. La polygamie, pourquoi? Car vous savez que les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes. Bien plus nombreuses que les hommes. Donc ces femmes, si on devait amener à ce que les hommes soient mariés, ces femmes seules, qu'est-ce qu'elles feraient? Elles-mêmes, elles ont des besoins, elles ont des envies. Qu'est-ce qu'elles feraient? Elles se retrouvaient à les séduire, les femmes, les autres. Les séduire, les épouses, les époux, les autres femmes, quitte à faire du haram. Donc c'est quoi la solution? C'est qu'un homme qui a la koudra, qui se voit être juste, qui prenne plusieurs femmes. Car vous avez également beaucoup d'hommes, une seule femme ne leur suffit pas. Donc, qu'est-ce qui leur arrive également à ces gens-là? Ils tombent dans la fornication. À fois, ils tombent dans l'adultère. Ils tombent dans l'adultère. Regardez le nombre d'histoires d'adultère d'hommes qui trompent leurs femmes. C'est quoi en fait la réalité? C'est que l'homme, il a des charlottes qui sont fortes. Vous n'allez quasiment jamais trouver chez les koufars ce qu'on appelle un couple fidèle. Et si jamais l'homme est fidèle, c'était parce qu'il y a une chose qui l'a empêché d'agir. Et non pas que lui hein, lui ne va pas le faire. Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire, c'est tout. Mais si l'occasion se présente, vous allez voir à qui vous avez affaire. Parce que l'homme, tu vous pourrais lui donner la femme la plus belle du monde, et être l'homme le plus amoureux du monde, il sera toujours attiré par un autre. Toujours. C'est comme ça que l'être humain a été fait. Comme encore l'état Allah, et que l'homme a été créé faible. Donc la solution, c'est quoi? C'est qu'il lui est permis d'avoir plusieurs femmes. Avec des règles, bien évidemment. Et la principale, d'être juste envers elle. Et quand la polygamie est délaissée, alors cela amène à ce que l'adultère soit commis. À outrance, à tout va, à foison, en toute situation, et dans tous les lieux, même en pays d'islam. Donc on dit aux sœurs de craindre Allah Azzawajal et de ne pas priver leur mari de ce droit qu'Allah leur a donné. Car cela va amener un grand fossé sur terre. C'est une injustice que la femme vienne combattre la polygamie et elle contribue à ce que des femmes soient privées de ce droit de pouvoir avoir des rapports dans le licite et d'être prises en charge par des hommes. C'est de l'égoïsme et de l'injustice. Sachez-le bien. Donc là, on a cité les causes qui étaient liées par rapport au choix de chacun. Après, il y a les causes qui, elles, sont liées aux autorités. Entre autres, celle qu'on a citée tout à l'heure en premier, que le tuteur fasse obstacle au mariage sans raison légitime. Cela va peut-être causer que la jeune fille va tomber dans le haram. À cause du tuteur qui n'aura pas fait son rôle. On ne dit pas qu'elle est innocente. Elle sera blâmable. Elle sera coupable. Mais il y aura eu un facteur qui aura causé sa tombée dans le zina. C'est que son tuteur ne l'aura pas permis de pouvoir assouvir ses envies et ses besoins dans le halal. Wali azabillah. Et également, il y a ce qu'on trouve chez les gouverneurs, qu'Allah les guide, qui mettent des lois en place permettant aux gens de tomber dans la fornication. Qui mettent pas justement des barrières pour empêcher que cela se produise. Comme on le voit aujourd'hui dans tous les domaines, la mixité qui est présente, la musique qui est vendue de façon publique, l'alcool qui est vendu dans certains pays, les concerts de musique, les rencontres sportives, toutes ces choses-là qu'à la base les gouverneurs devraient interdire. Cependant, ils ne le font pas. Et cela, à cause de la faible foi dont beaucoup d'entre nous sont atteints. Nasallahu yuslihahum wa iyana. Cela ne fait pas sortir de l'islam. Cela est une erreur dont ils rendront compte yawm al-qiyamah de ne pas avoir appliqué également les lois d'Allah azawajal. Et entre autres, d'avoir abandonné la sharia. Pourquoi? Car si la sharia a été appliquée et que le had du zina a été appliqué, wallahi, vous verrez beaucoup moins de gens tomber dans le zina, ne serait-ce que par peur de ne subir cette sentence, de se faire flageller pour le bikr, ou d'être lapidé pour le Mursen ou le Sayyim. Et tout cela, on prendra un tafsil dans les fatawas qu'on lira, les conditions pour flageller ou pour lapider ou ce qui s'ensuit. Là, c'est juste mon code d'ima par rapport à ça. L'introduction. Cette introduction, je précise, elle n'est pas du livre. C'est une recherche personnelle que j'ai faite. Elle n'est pas dans le livre. Le livre, on n'a pas encore rentré dedans. Inch'Allah, ce sera dans le dev qui vient demain. Maintenant, on finit par une fausse cause que les gens prennent, soi-disant pour se préserver du zina. Quelle est-elle? Le samam et l'istimna, ou al-ada sirriya, ce qu'on appelle en français la masturbation, qu'on trouve chez les hommes comme chez les femmes. Cette masturbation, sachez qu'elle est une infraction, et qu'elle n'est pas une cause de préservation, jamais de la vie. Et que se masturber, bien qu'il y ait une divergence entre les ulama, est-ce que cela est permis ou pas, le col authentique, c'est que cela est interdit. Par la raza wa djel, ou al-ladhina hum li furujihim hafidhun, illa ala azwajihim, أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلى ذي الأرض القرآن ceux qui préservent leur partie génitale, leur sexe, sauf d'avec leurs épouses ou leurs époux, ou ce que leur main procède, c'est-à-dire que les hommes avec la femme esclave. Donc ceux-là n'ont pas de reproche, c'est-à-dire celui qui ont des rapports dans le mariage ou les hommes qui ont des rapports avec la femme esclave, ils n'ont aucun reproche. Il a dit par contre celui qui recherche en dehors de cela, les transgresseurs. Donc quand tu vas te masturber, toi l'homme ou toi la femme, tu sors des limites légiférées du mariage. Car cela se commet par ta propre main. Alors que le commettre par la main du conjoint, cela est permis. D'accord ? Que l'homme se fasse masturber par sa femme, cela est permis. Que la femme se fasse masturber par son mari, cela est permis. Mais quand cela se fait par soi-même, là. Et sachez que les ulama qui l'ont permis ne l'ont permis que pour celui qui craindrait de tomber dans le farsha. C'est pas une permission dans l'absolu. C'est pour celui qui dit si jamais je ne fais pas ça, je vais tomber dans l'interdit. Mais on dit, si jamais cela avait été légiféré, il y aurait eu un délil, car cela existait depuis longtemps, la masturbation. À l'époque des Sahaba, cela était connu. Ils appellent ça l'Ada Sirriya. Il y a d'autres termes qui montraient que cela était connu à leur époque. Et pourtant, il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qu'on a pris tout à l'heure, que celui qui ne peut pas se marier, qu'il jeûne. Sinon, il aurait dit qu'il se masturbe. Pas peur de tomber dans le farcha. Non, il a dit qu'il jeûne. C'est le CM, c'est le jeûne qui vient pour te protéger. Donc, se masturber, sachez que ce n'est pas une cause de protection. C'est une chose qui est interdite. Et en plus, celui qui se masturbe, généralement, il cause une addiction à cela. Après, il devient addict à cette chose-là. Et même les médecins, les vrais médecins fiables et conseillés, disent que la masturbation engendre bien des préjudices sur la santé par la suite. Donc voilà, c'était cette moukot d'ima qu'on voulait prendre par rapport à la suite du kitab qui viendra par la suite. Bismillah, afin de, en guise d'avertissement et de conseil. Et au fur et à mesure, dans le kitab, on prendra des masahil avec les akwal des ulama sur des questions particulières. Bismillah ta'ala. Je m'excuse également pour l'annonce que j'ai faite. J'avais écrit 19h30. En fait, non, c'est 19h30 au Yémen. Je me suis rendu compte tout à l'heure. En fait, c'est 18h30 pour l'heure de France et non pas 19h30. Donc, je m'excuse pour ceux qui ont été induits en erreur. Ils sont arrivés en retard. D'accord? Donc, retenez bien que c'est à 18h30 heure de France. Naam. بإذن تعالى نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته